Je m'arrache de la change d'oxygène. Je métamorphose en baleine. Je dois prendre de l'art sans perdre haleine. Plus jouer les poids pour une Hélène. Agite le bateau quand le marin s'envoie quelques pintes de bière pour noyer son ennui. Histoire un peu magique qui me hante parfois. Et je refais le monde à l'image de minuit. Pâture de mots dénués de sens quand il faut. Toute la nécessité d'un délire pour me guérir, je le tire. Pâture de mots dénués de sens quand il faut. La difficulté, c'est de partir sans rien dire, je respire. L'inspiration vient en dormant. Discours toujours incohérent. Je vais toujours où va le vent. Qui donne son air au goéland. Et je m'endors égoïste sur mes deux oreilles, me berçant d'illusions quand d'autres n'en ont plus. Enfoncé dans le beau drap, dans le plus simple appareil, eux partagent les entrées ou le pavé des rues. Pâture de mots dénués de sens quand il le faut. Toute la nécessité d'un délire pour me guérir, je le tire. Pâture de mots dénués de sens quand il le faut. La difficulté, c'est partir sans rien dire, je respire. Dégage à coups de pont, le clébard son voisin qui pisse sur son affiche. Couverture de fartule qui protège de la honte, plus sûrement que du froid quand le soleil s'en fiche. Pâture de mots dénués de sens quand il le faut. Toute la nécessité d'un délire pour me guérir, je me tire. Pâture de mots dénués de sens quand il le faut. Toute la difficulté c'est de partir sans rien dire, je reste.